Chapitre 7e. Albert Savary, ainsi que l'avait dépeint dans son interrogatoire le concierge du numéro 6 de la rue de la Paix, était un homme blond, à la taille élevée et aux manières distinguées. Au premier abord, on était tenté de lui donner une quarantaine d'années, mais après un examen attentif, on reconnaissait qu'il avait au plus 34 ou 35 ans et que des veilles prolongées, des fatigues de toutes sortes, avaient dû altérer ses traits avant l'âge. Du reste, il fallait aussi l'avouer, ses signes de maturité précoce, ses démarches un peu traînantes, ses cheveux grisonnants du côté des tempes, ses yeux battus, loin de nuire aux prévenus sous le rapport physique, prêtaient à sa physionomie un grand air de distinction et un charme tout particulier. Sa mise était simple mais élégante lorsqu'il se présenta devant M. Gourbet. Personne ne l'accompagnait, des ordres ayant été donnés pour que les gendarmes qui l'avaient conduit à l'instruction l'attendissent à la porte du cabinet. Il salua le juge sans affectation, s'assit sur l'invitation qui lui en fut faite et prenant la parole avant qu'on l'interrogeât. « Puis-je en faire savoir, monsieur » demanda-t-il d'un ton un peu raide, mais cependant avec calme, « pour quel motif je me suis vu brusquement arrêté hier et pourquoi je me trouve en ce moment devant vous ?»« Monsieur, » répliqua aussitôt M. Gourbet, « vous vous trouvez devant moi pour répondre aux questions que j'aurai à vous poser et non pas pour m'en adresser, comme vous paraissez en avoir l'intention. » « Il est juste cependant, monsieur, que je désire savoir de quel délit ou de quel crime on m'accuse. C'est en vain que j'ai interrogé les agents chargés de mon arrestation, ils ont refusé de me répondre. »« Et ils n'ont fait que leur devoir, monsieur, » répliqua le juge d'instruction d'une voix ferme. « Mais ce qu'ils n'ont pu vous apprendre, je vais vous le dire, et je vous l'aurais déjà dit, si vous n'aviez pas pris le premier la parole, contre tous les usages en vigueur dans ce cabinet. »« Je ne connais pas ces usages, monsieur, je n'ai pas l'habitude de me trouver ici. » « Je vous en félicite, et je souhaite que vous n'ayez pas à reparaître devant moi. Vous n'êtes pas accusé d'un délit, » continua M. Gourbet, après une pause et en regardant fixement le prévenu. « Vous êtes accusé d'un crime. »« Ah, vraiment, quel crime ? » ?»« D'avoir assassiné un jeune homme nommé Maurice Vidal. » En entendant cette accusation si nette et si précise, Albert Savary ne sourcilla pas. Son visage ne trahit pas la moindre émotion. Et s'adressant au juge d'instruction, « j'avoue que j'étais loin de m'attendre à être compromis dans cette affaire dont, depuis quelques jours, on s'est souvent entretenu devant moi. Serait-ce indiscret de vous demander, monsieur, » continua-t-il avec une parfaite courtoisie, et comme s'il se fût trouvé dans un salon, « quels motifs peuvent me faire soupçonner d'un tel crime ?»« Vous allez les connaître, monsieur, mais puisque votre première curiosité est satisfaite, procédons d'abord par ordre, et veuillez me donner vos noms et prénoms. » Et s'adressant au greffier, « Vous pouvez écrire, monsieur Cordier, » lui dit-il. « Je m'appelle Albert Savary, » répliqua le prévenu, qui crut devoir se tourner du côté du petit homme sec qu'il regarda avec intérêt. « N'avez-vous pas l'habitude de porter un autre nom ?» fit observer le juge d'instruction. « En effet, monsieur, on m'a quelquefois appelé de Montbrisé. D'après mes renseignements, vous n'avez pas droit à porter ce nom. D'où vous vient-il ? D'une terre qui a toutefois appartenu à ma famille. Cela ne constitue pas un droit. » « Passons. Quel âge avez-vous ? 36 ans. Quelle est votre profession ? Je n'en ai pas. Comment vivez-vous alors ? Mais je vis assez bien, monsieur. Permettez !» dit sévèrement M. Gourbet. « Je n'admettrai pas un seul instant que vous preniez le ton de la plaisanterie pour me répondre. S'il vous arrivait encore de n'être pas aussi sérieux que votre position de prévenu le comporte, je n'hésiterai pas à vous faire conduire au dépôt, et je remettrai cet interrogatoire à un autre jour. » Savary écouta cette mercuriale sans sourciller et ne répondit pas. « Je vous demande, » continua le juge d'instruction, « quels sont vos moyens d'existence, monsieur ?» répliqua le prévenu d'un ton beaucoup plus sérieux, où l'on ne remarquait plus aucune trace de persiflage. « Si vous entendez par moyens d'existence des rentes sur l'État, des titres de propriété ou quelques pensions particulières, je dois reconnaître que je n'ai aucune de ces choses. Comme beaucoup de jeunes gens de notre époque, je vis au jour le jour. » Riche quelquefois par accident, pauvre le plus souvent par habitude. Tantôt je fais une opération heureuse à la bourse, tantôt je gagne au jeu. Il m'est arrivé d'avoir 50 000 francs à ma disposition le 10 du mois et le 15 de ne pouvoir payer mon terme. Tout cela est bizarre et irrégulier, je le confesse, mais c'est vrai. Et puisque vous paraissez désirer la vérité, monsieur, je vous l'ai dite. Triste vérité, monsieur, qui pourrait vous nuire auprès de messieurs les jurés. Les jurés ! Fit Albert Savary sans paraître s'émouvoir de cette phrase, prononcé à dessein par le juge d'instruction, ou j'espère n'avoir pas à comparaître devant eux. Vous ne pouvez tarder, monsieur, à reconnaître ma parfaite innocence. Nous nous occuperons de cette question dans un instant. Pour le moment, je continue votre interrogatoire. N'avez-vous pas précédemment, à l'âge de 25 ans à peine, été appelé devant les tribunaux ? Oui, monsieur, il s'agissait d'un duel, où vous aviez tué votre adversaire. C'est vrai, monsieur, j'avais eu ce malheur, mais j'ai été acquitté. L'instruction faite au sujet de cette affaire vous signalait déjà comme un homme débauché. Hélas, monsieur, je n'étais ni plus ni moins débauché que les jeunes gens avec lesquels je vivais, et qui depuis sont devenus des hommes sérieux et d'honnêtes gens. Les uns sont médecins, d'autres notaires, ceux-ci magistrats. Priez-les de vous dire de quelle façon ils ont vécu de 18 à 25 ans, dans quel lieu ils passaient une partie de leur soirée, quelle société ils fréquentaient, et s'ils sont francs, on pourra, tout aussi bien qu'à moi, leur appliquer cette épithète de débauché. On vous reprochait encore un caractère des plus emportés, fit observer M. Gourbet. Ici, on ne se trompait pas. J'ai toujours été, malheureusement pour moi, très violent. Vous ne craignez pas de le reconnaître. Cette déclaration a une grande importance dans l'affaire qui nous occupe. J'ignore quelle importance cela peut avoir, monsieur, puisque je ne suis pour rien dans l'affaire dont vous me parlez. Monsieur Gourbet s'arrêta. Tant de sang-froid et de naturel l'étonnaient. Cependant, durant sa carrière déjà longue, il s'était trouvé aux prises avec de bien grands comédiens. Certains coupables avaient défendu leur liberté et leur vie pas à pas, osant lutter pendant des journées entières d'habileté et de ruse avec lui. Mais dans le cas qui se présentait, il était en face d'une tactique nouvelle. Le prévenu semblait avoir appelé la franchise à son secours et s'en être fait une arme défensive. Loin d'essayer de pallier ses défauts, ses torts, il les avouait sans forfanterie, mais aussi sans faiblesse. Loin de vouloir donner le change sur ses habitudes, sa manière de vivre, il en reconnaissait toute l'irrégularité. Cet homme est innocent. Ou bien il est doué d'une grande énergie et d'une rare intelligence, se dit M. Gourbet, avant de reprendre son interrogatoire. Ce n'est pas, continua-t-il, seulement à l'occasion d'un duel que vous avez eu des démêlés avec la justice. Vous ne parlez pas de certaines affaires. J'attendais que vous m'en parliez, monsieur. Je ne suis ici que pour répondre à vos questions. Vous me l'avez fait observer et je ne l'ai pas oublié. C'est vrai. Alors veuillez me dire si vous n'avez pas été compromis dans certaines affaires de jeu. « J'y étais mêlé, » répliqua Savary. Il s'agissait d'un jeune homme qui, ayant perdu une 60 000 francs et ne pouvant payer le lendemain ses créanciers, les accusa d'avoir biseauté les cartes, de l'avoir volé, en un mot. Cela se voit encore tous les jours, monsieur. Les jours malheureux, au lieu de s'en prendre à eux-mêmes, comme ils le devraient, de leur déveine et quelquefois de la façon ridicule dont ils jouent, préfèrent accuser leur partenaire et se dire victimes d'une escroquerie. Ce genre d'accusation leur permet de ne pas payer leurs dettes de jeu. Il y a donc tout avantage pour eux à se poser en victime. Dans l'affaire dont vous parlez, une plainte fut remise contre une douzaine de personnes parmi lesquelles je me trouvais. On nous fit mander au parquet, on nous interrogea, on se fit représenter les cartes soi-disant biseautées, et de tout ce bruit, il ne résulta qu'une chose, c'est que notre calomniateur régla sa dette envers nous 6 mois après, au lieu de la régler le lendemain. Il est encore juste d'ajouter que nous le priâmes de joindre à ses billets de banque des excuses écrites au sujet de son étrange dénonciation. Il jugea à propos de s'exécuter. Albert Savary donna ces détails avec tant de laisser-aller, d'abandon. Sa voix était si sympathique, il paraissait si bien à son aise sur sa chaise, que le greffier lui-même oublia un instant le lieu où il se trouvait, se crut en visite dans quelque salon, en face d'un causeur agréable, et au lieu d'écrire comme il le devait, se surprit à écouter. Derrière le paravent, rien ne trahissait la présence de Madame Vidal. Elle observait le plus religieux silence, ainsi qu'elle l'avait promis. Après s'être recueilli un instant, M. Gourbet, n'ayant plus de questions préliminaires à poser au prévenu, aborda le fond de l'affaire avec cette brusquerie que pratiquent quelquefois les magistrats et qui est destinée à intimider et à troubler le coupable. « Comment avez-vous passé la soirée du 19 octobre dernier ? » demanda-t-il tout à coup à Savary. « Et vous, monsieur ? » répondit celui-ci. Cette réponse inattendue était de nature à irriter un juge d'instruction, quelle que fût sa longanimité. M. Gourbet se leva et s'adressant au prévenu. « Monsieur, vous oubliez le respect dû à la justice que je représente en ce moment. Je vais donner des ordres pour... Monsieur !» répondit Albert Savary en l'interrompant d'un ton très ferme. Mais avec une exquise politesse, destinée à calmer la légitime irritation de son juge. Vous vous êtes mépris, croyez-le bien, sur le sens de mes paroles. Je n'ai pas une intention de blesser un magistrat, dont les manières et le langage, tous sévères qu'ils sont, n'ont pas cessé un instant d'être courtois et polis. Je m'empresse de le reconnaître. J'ai seulement voulu, par cette question que je vous adresse, en opposition à la vôtre, vous faire comprendre combien il était difficile de vous répondre. Vous me demandez, à brûle-pourpoint, ce que j'ai fait le 19 octobre. Je vous réponds et vous. En effet, je suis persuadé qu'avec la meilleure volonté du monde, toute personne mise en demeure aussi brusquement de rendre compte de ses actions ne saurait y parvenir. Cela dépend, monsieur, de l'existence plus ou moins accidentée que l'on mène, répliqua M. Gourbert en se rasseyant. La question dont vous parlez, s'il est embarrassante pour quelques-uns, ne le serait pas pour tous. Mais ce débat vous a donné le temps de réfléchir. Pouvez-vous maintenant me répondre ? Je l'espère du moins, monsieur. Sauf erreur, j'ai dû dîner au café anglais. Vous y connaît-on ? Parfaitement depuis plusieurs années. À quelle heure croyez-vous en être sorti ? Il devrait être environ 8 heures. Précisez, je vous prie, monsieur. Vos réponses ont la plus grande importance, car le crime dont il s'agit a dû être commis de 8 à 9 heures. Ajouta M. Gourbet, dont la tactique en ce moment consiste à paraître se livrer. « Monsieur, si j'avais commis ce crime, répliqua Savary, je saurais à quelle heure je l'aurais commis. Et alors je vous répondrai que je suis resté au café anglais jusqu'à 9 heures, afin d'établir un alibi. Mais on vous donnerait très facilement un démenti. Très difficilement, monsieur. Les habitués du café anglais dînent très tard. Il n'est pas rare de voir encore des personnes à table vers les 9 heures. Et sur 4 ou 6 garçons, il y en aurait certainement la moitié qui pourrait de bonne foi soutenir m'avoir vu partir l'un des derniers. Si je déclare être parti vers les 8 heures, c'est que je veux m'approcher le plus près possible de la vérité. Soit, vous avez quitté le café anglais à 8 heures, qu'avez-vous fait alors ? J'ai dû, suivant mon habitude, me promener pendant une demi-heure sur le boulevard des Italiens. Quelques personnes vous ont-elles vu ? Vous êtes-vous arrêté pour causer avec un de vos amis ? Albert Savary se prit à réfléchir le plus naturellement du monde et répondit « Non, je crois n'avoir rencontré personne et m'être promené seul. »« Cela paraît étrange, » fit observer le juge d'instruction. « Le temps était très beau, le 19 octobre, et il devait y avoir beaucoup de vos connaissances, à 9 heures du soir sur le boulevard des Italiens. »« C'est possible, monsieur, mais le hasard a fait que je ne les ai pas vus. Du reste, je me permettrai de vous dire qu'à 9 heures du soir, le boulevard des Italiens, est moins fréquenté qu'à tout autre moment. On est déjà entré au théâtre, dans quelques cercles ou dans quelques maisons hospitalières. Après cette promenade d'une heure, où êtes-vous allé, je vous prie ? Je suis rentré un instant chez moi. Il est alors 9 heures, selon vous ? 9 heures environ. Votre concierge, interrogé depuis votre arrestation, prétend ne vous avoir vu que vers les 10 heures. 9 heures, 9 heures et demie, 10 heures, cela se ressemble beaucoup pour un concierge qui dort la moitié du temps au fond de sa loge. Fit observer le prévenu. Et pourquoi rentreriez-vous, contre toutes vos habitudes, à cette heure de la soirée ? Oh mon Dieu, monsieur, un motif bien simple. J'avais depuis le matin un paletot d'été. Le temps était devenu un peu frais et j'allais prendre mon paletot d'hiver. Il était plus simple de vous rendre directement dans la maison où vous avez passé la nuit. C'est justement parce que je me rendais dans cette maison que je me suis habillé plus chaudement. Il n'est pas rare que j'en sois sorti à 2 ou 3 heures du matin. Et je prenais mes précautions dans le cas où cela m'arriverait. N'avez-vous pas plutôt, demanda le juge d'instruction, quitté votre paletot d'été parce qu'il portait des taches qui pouvaient vous compromettre ? Des taches ? Dit Savary sans se troubler. Quelles taches ? 2 ou 3 taches de sang. Comment les expliquez-vous ? Mais je ne les explique pas. Je soutiens qu'il ne peut y en avoir, répliqua Savary d'une voix ferme. M. Gourbet avait espéré que le prévenu, s'il était coupable, se trahirait devant cette attaque et qu'il essaierait de donner une explication au sujet de ces taches de sang en parlant d'un saignement de nez, d'une coupure, comme on coutume de le faire tous les meurtriers, dans des circonstances semblables. Toute explication de ce genre aurait nui à Albert Savary et peut-être servi à le confondre, car malgré les plus minutieuses recherches, on n'avait trouvé sur le paletot en question aucune des tâches dont avait parlé à dessein M. Gourbet. Aussi dut-il s'avouer que cette nouvelle ruse ne lui avait pas réussi, soit que Savary fût innocent comme il le soutenait, soit qu'il fût doué d'une finesse et d'un sang-froid excessif. Mais dans la crainte de voir son stratagème deviné, M. Gourbet ne voulut pas abandonner trop vite la question qu'il venait de soulever. Il annonça au prévenu que son paletot serait soumis à l'analyse de chimiste habile. Savary ne sourcilla pas, et se tournant vers le juge d'instruction, il lui fit comprendre qu'il attendait la suite de l'interrogatoire. « Après être resté quelques instants chez vous, continua M. Gourbet, vous vous êtes rendu chez une nommée Pélagie d'Hermont, une ancienne femme du monde, depuis longtemps très déclassée, et avec qui vous vivez. Permettez, monsieur, fit en souriant Albert Savary, je connais Madame d'Hermont, je la connais même beaucoup, je l'avoue, mais je ne vis pas avec elle. Ne jouons pas sur les mots, vous êtes son amant. J'ai dû l'avoir été, mais c'est un avantage partagé avec quelques autres personnes. Nous vous l'accordons, mais ce que vous nous accordez aussi, c'est que la dite personne a un grand luxe, qu'elle dépense pour sa maison, ses toilettes et ses voitures des sommes considérables et que vous devez contribuer à ce coûteux entretien. Mon Dieu, monsieur, je ne suis pas en effet sans avoir dépensé quelque argent pour celle dont vous parlez. Je vous serai seulement obligé de ne rien exagérer. En votre qualité de magistrat, monsieur le juge d'instruction, vous connaissez aussi bien que moi tous les coins et recoins de la vie parisienne, toutes ses étrangetés, et vous n'ignorez pas qu'on peut parvenir à plaire à une femme comme Madame d'Hermont, avoir accès dans sa maison sans être absolument obligé de se ruiner pour elle. Savary donna cette explication d'un ton familier tout en se jouant comme s'il causait avec un ami. Mais ce Gourbet lui-même s'était un peu départi depuis un instant de sa première raideur. Il écoutait le prévenu de meilleure grâce, il le regardait d'un œil moins sévère, il était sous le charme de cette voix sympathique, de cette physionomie intelligente et distinguée. Il se surprenait à oublier qu'il se trouvait dans son cabinet de juge d'instruction en face d'un homme soupçonné d'un crime odieux. Il s'était levé et se promenait de long en large, tandis que Savary, debout, le dos appuyé contre le marbre de la cheminée, examinait le greffier, toujours impassible sur sa chaise. Tout à coup, M. Gourbet, se rappelant la présence dans son cabinet de Julia Vidal, fut curieux de savoir ce qu'elle devenait et se dirigea vers le paravent. Un regard que personne ne put surprendre lui suffit pour satisfaire sa curiosité. Julia, toujours immobile, attendait en silence la fin de l'interrogatoire. Sa pâleur frappa le juge d'instruction et lui rendit toute la gravité dont il s'était un instant départi. Il revint se placer devant son bureau et aborda un nouvel ordre d'idées. « Vous connaissez Maurice Vidal ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit le prévenu. « Depuis combien de temps ? 3 ans environ. Dans quelles circonstances l'avez-vous connu ? Un de nos amis communs, monsieur de Montoux, à qui je manifestais un jour mon désir de faire des opérations de bourse, me proposa de me présenter à monsieur Vidal. Celui-ci m'accueillit parfaitement et consentit à exécuter mes ordres. « Sans exiger aucune garantie, aucune couverture ?» demanda M. Gourbet. « Ma garantie morale lui suffit, monsieur. Il s'agissait du reste de très petites opérations. Les différences à chaque liquidation ne pouvaient pas dépasser 1 000 à 2 000 francs. »« Il n'en fut pas toujours de même, » fit observer le juge d'instruction. « Vous perdîtes bientôt une somme considérable. »« Oui, monsieur. Une nouvelle politique qu'on me donnait un jour me fit sortir de ma réserve habituelle. » Je transmis à M. Vidal, pendant la bourse, un ordre qu'il exécuta aussitôt, malheureusement pour moi. La nouvelle était inexacte et tous mes calculs furent trompés. Combien perdiez-vous dans cette affaire ? 20 000 francs. Il résulte de mes renseignements que vous avez perdu 50 000 francs. Permettez, monsieur. La première opération dont je viens d'avoir l'honneur de vous parler m'a coûté 20 000 francs. Alors j'ai voulu en faire une seconde et une troisième pour me rattraper. Et mes pertes se sont montés à 50 000 francs. Et M. Vidal n'a pas essayé de vous arrêter sur cette pente fatale pour vous et pour lui, puisqu'il devait être responsable de vos pertes auprès de l'agent de change qu'il avait employé. M. Vidal m'avait vu payer, sans la moindre hésitation, certaines différences moins importantes que les dernières, mais considérables cependant. Il n'avait aucune raison pour douter de ma solvabilité. Et qu'a-t-il résulté de toutes ces pertes ? On m'a présenté mes bordereaux de liquidation et j'étais obligé de déclarer qu'il me fallait du temps pour m'acquitter. Qu'a répondu M. Vidal ? Je dois reconnaître qu'il a mal pris la chose. En effet, une scène regrettable n'a-t-elle pas eu lieu à la bourse entre vous et votre créancier ? Oui, monsieur. M. Cordier, dit le juge d'instruction, en se tournant vers son greffier, veuillez communiquer au prévenu le rapport du commissaire de police de la bourse au sujet de cette scène. Le petit homme sec prit un cahier de papier placé sur la table et lut d'une voix lente le rapport dont nous avons déjà donné des extraits. Quand cette lecture fut terminée, Monsieur Gourmet demanda à Savary s'il reconnaissait l'exactitude des faits signalés par le commissaire de police. « Entièrement, » répondit le prévenu. « Ainsi, vous avouez qu'à la suite de votre altercation avec Monsieur Vidal, vous lui avez, sur sa demande, souscrit pour 50 000 francs de billets. »« Parfaitement, monsieur. »« Que sont devenus ces billets ?» demanda vivement le juge d'instruction. « On a dû les retrouver chez moi, puisqu'on a fait une visite domiciliaire. »« Oui, on les a retrouvés chez vous, mais comment y étaient-ils ? » Par une raison bien simple, je les avais payés et on me les avait rendus. Qui vous les avait rendus? Monsieur Maurice Vidal lui-même. Quand? La veille de sa mort, qui se trouve être le lendemain de l'échéance de mes billets. C'est impossible. Vous êtes allé rue de la Paix et vous n'avez trouvé personne. Oui. On m'a dit que Monsieur Vidal était sorti, qu'il ne rentrerait que le soir. Mais j'avais hâte de m'acquitter envers lui. Je savais son mauvais vouloir à mon égard depuis notre altercation. Je craignais des frais. Je me suis mis à sa recherche et je l'ai trouvé. Où ? Dans la rue Vivienne, qu'il avait tous les jours l'habitude de prendre en sortant de la bourse. Il devait être environ 3h30. Et c'est là, dans la rue, que vous l'avez payé. Ce n'est pas admissible. Pourquoi, monsieur ? Entre gens de bourse, il s'échange à chaque instant des valeurs importantes de la main à la main, soit sur l'escalier de la bourse, soit dans les rues voisines. 50 000 francs ne font pas un bien gros volume. Et vous nous direz aussi, demanda le juge d'instruction, que M. Vidal portait sur lui vos 50 000 francs de billets. Oui, monsieur, il les avait sur lui, puisqu'il me les a remis séance tenante. Ce n'est pas croyable. Permettez-moi de vous faire observer, monsieur, que mon créancier, lorsque je lui ai souscrit mes billets, m'avait averti qu'il les remettrait immédiatement à l'huissier, s'il n'était pas payé le jour même de l'échéance. Nous étions arrivés au lendemain de cette échéance, sans qu'il eût entendu parler de moi, et il avait dû sortir avec mes billets, dans l'intention de donner suite à ses menaces. M. Gourbet, impatienté visiblement par les réponses de Savary, se recueillit un instant et reprit. « La version que vous avez habilement imaginée, j'en conviens, pèche par un point essentiel. M. Vidal avait déclaré à plusieurs personnes qu'il n'avait aucun espoir d'être remboursé par vous. S'il l'avait été, comme vous l'affirmez, il se serait empressé d'annoncer cette bonne nouvelle à ses amis. Il ne pouvait pas aller leur faire visite pour cela. » Et le hasard a sans doute voulu qu'il ne les ait pas rencontrés. Voilà l'erreur, il a dîné avec l'un d'eux le 19 octobre. « Eh bien, monsieur, » répliqua Savary sans se déconcerter, « il était préoccupé d'autre chose ou bien il avait des raisons pour ne pas ébruiter ce qui lui arrivait. Il est quelquefois imprudent de dire à un ami « je viens de recevoir une somme d'argent sur laquelle je ne comptais pas. Cet ami peut être tenté de vous l'emprunter et on se trouve fort embarrassé. » « Vous ne l'êtes jamais vous, monsieur. » Vous avez toujours en réserve une réponse plus ou moins bonne, » fit observer M. Gourbet, avec une entière mauvaise humeur dont cette fois il ne fut pas maître. « Quelle est celle, continua-t-il, que vous offrez à cette dernière question, comment vous êtes-vous procuré cette somme de 50 000 francs que vous prétendez avoir remboursée ?» Le prévenu, qui jusqu'alors à ce moment avait répondu sans hésitation, garda le silence. « Ne m'avez-vous pas entendu ?» demanda M. Gourbet. « Avez-vous donc besoin de préparer votre réponse ?» « Oh, monsieur, » dit Albert Savary en souriant, « s'il m'eût fallu préparer cette réponse, j'aurais eu, vous voudrez bien le reconnaître, depuis le commencement de ce long interrogatoire, tout le temps de le faire. La question que vous m'adressez a une grande importance et je devais certainement m'y attendre. Mon hésitation vient simplement de la crainte que j'éprouve que ma réponse ne vous satisfasse pas. Ah, elle laissera à désirer. Oui, monsieur, à vous qui êtes un homme pratique dont l'existence est régulière, et qui ne pouvait pas admettre certaines façons excentriques de se procurer de l'argent. Voyons ces façons. » Après avoir ainsi habilement préparé le juge d'instruction à ce qu'il allait entendre, Savary reprit la parole. « J'étais, dit-il, très préoccupé depuis 2 mois de l'échéance de ma dette envers M. Vidal. Je le savais assez mal disposé envers moi, et je craignais des poursuites dont le moindre résultat eût été de me déconsidérer. Je recours alors à un de ces moyens qui ne sont pas nouveaux, que bien des jeunes gens à Paris emploient dans les cas désespérés, mais qui d'ordinaire ne leur réussissent pas. Au commencement d'octobre, je vendis différents bijoux et objets d'art que j'avais pu sauver jusque-là de mes différents naufrages. J'empruntais 25 louis à un ami, 30 louis à un autre. Je parvins à réunir ainsi 3500 francs et je partis avec cette somme pour Spa, où sont installés, monsieur, des jeux de roulette et de 30 et 40. Je risquai 1 000 francs dans cette ville et grâce à une nouvelle marche que j'avais longtemps méditée, je parvins à gagner près de 10 000 francs en 2 jours. Le juge d'instruction donna des marques de complète incrédulité, mais Savary ne parut pas s'apercevoir de l'effet produit par son récit et continua. De Spa, je passai en Allemagne, je m'arrêtai à Bade, à Hambourg, à Wiesbaden, et je jouai dans toutes ces villes aussi heureusement que dans la première. Bref, monsieur, après une absence de quelques jours, je revins à Paris le 15 octobre avec une somme de 55 000 francs qui me servit à rembourser intégralement mon créancier. Voilà mon histoire, elle est au fond des plus simples, mais malheureusement pour moi, comme toutes les choses véritablement simples, elle paraît au premier abord très compliquée. Très compliqué en effet, monsieur, répliqua le juge. Ce récit n'a même aucune valeur à mes yeux, et ne vous sera d'aucun secours pour votre justification, les faits que vous venez d'avancer ne pouvant être prouvés. Je vous demande pardon. On peut établir facilement que j'ai quitté Paris dans les premiers jours d'octobre, que je suis descendu à Spa, dans un hôtel situé près des salons de la conversation, l'hôtel d'Orange, je crois. Mes noms, prénoms et qualités doivent s'y trouver inscrits. À Bade, j'occupais une chambre de l'hôtel Victoria. À Hambourg, dans l'hôtel de Bellevue. Enfin, si on le désire, je prouverai facilement que j'étais de retour à Paris le 15. Et comment établirez-vous que vous avez gagné 55 000 francs ? C'est plus difficile, j'en conviens. Cependant, plusieurs personnes m'ont vu jouer et gagner. Des Allemands, n'est-ce pas ? Des Belges ? Des étrangers ? Des inconnus ? Où les retrouverez-vous ? Mon Dieu, monsieur, s'écria Savary avec une certaine vivacité, comme s'il était froissé, qu'on persiste à douter de sa parole. Lorsque j'étais assis, en Allemagne, devant les tables de 30 et 40, je ne pouvais pas deviner que j'allais être, à mon retour en France, accusé d'assassinat, que, pour défendre ma liberté et ma vie, il me faudrait justifier mon gain au jeu. Si je l'avais prévu, je me serais fait remettre chaque soir une attestation en règle par les chefs de parti ou les croupiers. Sans répondre à cette sortie un peu sarcastique, où, pour la première fois depuis le commencement de ce long entretien, le prévenu s'était départi de son calme, M. Gourbet se leva et se tournant vers Savary. « Mon greffier va vous lire votre interrogatoire et vous inviter ensuite à le signer. »« Très bien, monsieur, » répondit le prévenu. « Je suis à vos ordres. » Il approcha son fauteuil du bureau de M. Cordier et parut écouter avec une attention soutenue. Durant cette lecture, qui dura plus d'une demi-heure et que Savary n'interrompit par aucune observation, M. Gourbet, assis devant son bureau, réfléchissait profondément. Il s'avouait n'être au point parvenu, malgré ses efforts, à percer les ténèbres qui environnaient le crime de la rue de la Paix. Ces ténèbres, au contraire, s'épaississaient de plus en plus. C'était sur Albert Savary qu'il avait dirigé ses soupçons. De toutes les personnes mêlées à cette affaire, c'était la seule qui put être raisonnablement incriminée, et ce prévenu lui échappait. Oui, il lui échappait, ou plutôt il lui échapperait avant peu, car il fallait bien le reconnaître. On n'avait pu recueillir contre lui que des indices, pour ainsi dire, négatifs. Aux questions qui lui avaient été posées, il n'avait pas toujours répondu d'une façon entièrement satisfaisante, mais aucune de ses réponses ne le condamnait. S'il n'avait donné aucune preuve certaine de son innocence, on ne trouvait aucune preuve sérieuse de sa culpabilité. M. Gourbet, tout en restant dans la stricte légalité et sans que sa conscience lui fît aucun reproche, pouvait encore user de rigueur avec Savary et maintenir son arrestation. Mais il reconnaissait qu'il n'y avait pas contre le prévenu de charges suffisantes pour le faire passer à l'état d'accusé et le traduire en cour d'assises. Toutes ces réflexions, pour un magistrat aussi consciencieux que M. Gourbet, avaient une grande importance. « Monsieur, dit Savary au greffier, lorsque la lecture de l'interrogatoire fut terminée, les réponses que j'ai eu l'honneur de faire à M. le juge d'instruction ont été consignées par vous avec une parfaite exactitude. Je n'ai rien à dire contre ce procès-verbal et je le signe dès demain. » Puis il se leva, prit son chapeau déposé sur la cheminée et se tournant vers M. Gourbet, il sembla lui demander ses ordres. « Monsieur, dit le juge, visiblement mal à son aise et un peu troublé par les manières du prévenu, je prévois qu'il me faudra vous interroger de nouveau et en attendant je suis obligé de vous maintenir en état d'arrestation. » Albert Savary ne répondit pas. Il se contenta de s'incliner silencieusement. « Mais, ajouta M. Gourbet, je puis apporter quelques douceurs à votre position. Vous ne serez plus, par exemple, au secret. »« Oh !» fit le prévenu, « le secret ne m'effraie pas. Lorsqu'on est arrivé à mon âge et qu'on a vécu autant que je l'ai fait, on doit se réjouir d'avoir l'occasion de s'isoler, de se recueillir et de repasser sa vie. L'existence parisienne ne nous laisse pas un instant de repos. On est sans cesse emporté dans le tourbillon des affaires ou des plaisirs. On ne peut pas songer, on n'a que le temps d'agir. Ma captivité aura l'avantage de me reposer l'esprit. et je sortir de prison, je l'espère, moins agité, moins fiévreux et plus fort. Aussi, tout en vous remerciant de vos bonnes intentions à mon égard, je vous prie très sincèrement de n'y pas donner suite. Puis, vous l'avouerai-je, monsieur, je ne compte sur la visite de personne. Je n'ai pas d'amis intimes et aucun de mes compagnons de plaisir ne se dérangera, je le sais, pour venir me voir. S'il m'était permis de leur faire visiter ma prison par curiosité, ils viendraient peut-être. Mais la vue du parloir, où sans doute on se contenterait de les introduire, ne leur suffirait pas. Quant aux diverses maîtresses qu'on se plaît à me donner, oh monsieur, elles sont bien trop occupées pour songer à moi. Quelques bonnes filles se mettraient peut-être en route avec l'intention charitable de passer un quart d'heure dans ma cellule, mais je suis persuadé qu'elles s'arrêteraient à mi-chemin chez un protecteur sérieux. Je reverrai tout ce monde dans quelques jours à ma sortie de prison, ce sera bien assez tôt. À votre aise, monsieur, répondit le juge d'instruction en saluant à son tour Savary, pour lui indiquer que leur entretien était terminé, et se tournant vers le greffier. « Monsieur Cordier, lui dit-il, annoncez aux personnes qui attendent dehors que le prévenu se retire. » Savary comprit aussitôt le bon précédé dont il était l'objet. On le laissa sortir du cabinet du juge d'instruction, comme il y était entré, en visiteur, en homme du monde, et non pas en prisonnier. Il ne devait retrouver son escorte de gendarmes que dans le corridor. Il s'inclina pour répondre à cette politesse, ouvrit lui-même la porte et disparut. Alors Julien Vidal, qui avait tenu si loyalement la parole donnée, qui n'avait interrompu par aucun mot, par aucun geste, cet interrogatoire si intéressant pour elle, se leva, écarta le paravent qu'il avait caché à tous les regards, et s'avança, pâle et grave, vers M. Gourbet. Quand elle fut à deux pas de lui, elle s'arrêta, et étendant le bras vers la porte qui avait donné passage à Savary. « L'homme qui vient de sortir par cette porte, l'homme que vous venez d'interroger !» s'écria-t-elle avec énergie. « Et l'assassin de mon mari !»